Voici, en 10 minutes environ, l'intégrale de Coco, nouvelle écrite par Guy de Maupassant et publiée en 1884. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, 2018.